Bonjour à tous et à toutes, nouvelle émission de Commune Oreille, décembre 2017, thématique « Ça sent le sapin ». Voilà, c'est Florian aux manettes et aux musiques, avec l'aide précieuse de Jean-Baptiste. Je vais faire une programmation musicale en ayant fait presque l'exploit de n'avoir presque rien programmé de ces 13-14 chansons que vous allez écouter. Donc Commune Oreille, émission sur les musiques en licence libre depuis 3 ans maintenant. Et on aura une programmation des plus éclectiques, en guise d'une fin, enfin de plusieurs fins, qu'elles soient douces ou apocalyptiques. Ça sent le sapin pour les humains, comme pour nos amis les animaux. Et on va commencer tout de suite avec Tame Hunter, c'est la chanson « Mon chat est mort », ça donne l'ambiance. Et on continuera avec le groupe qui s'appelle Evil Mr. Sod, « We are all going down ». Voilà, ces deux premières chansons. La première, ça songe un peu au groupe The Devic, si vous connaissez, ou Cocorosie. Et la deuxième, ça folk bien. Voilà, Tame Hunter pour commencer cette liste, ça sent le sapin, et Evil Mr. Sod. Stole my hand. You made me remember that old song. Voilà, vous avez entendu dans l'ordre TM Hunter avec la chanson Mon chat est mort. Et c'est un groupe qu'on a trouvé sur notre bible des musiques libres Free Music Archive. TM Hunter, du coup, composé de 4 musiciennes, 2 violons, une viole, un violoncelle, une basse, si je ne me trompe pas, Eva Tandrupkok, Edrum Petersen, Bettina Maritoft, Nicole Oxtran et Anders Pierre Garde à la basse. Et c'est un groupe songwriting, un groupe de folk avec, comme je vous disais, moi qui me faisait penser à des musiques comme on peut l'entendre avec Coco Rosie, ce groupe anglais où ils expérimentent pas mal. Et voilà, donc Mon chat est mort, et c'est issu d'un album qui est sorti en 2012. Voilà. Donc c'était pour l'entrée un petit peu cosy et tranquille. Et là, vous venez d'entendre à l'instant Evil Mr. Sod avec la chanson Going Down, We Are All Going Down, et un folk un peu plus péchu. Et pour les gens qui ne seraient pas anglophones, sans tout vous traduire, il raconte que certains de ses amis sont déjà partis. Beaucoup d'entre eux n'ont pas duré assez longtemps. Lui, il est encore ici. Et à la fin, il dit « Je suis prêt à brûler ». Prêt à brûler. Et ça nous fait revenir, cette thématique du mois de décembre, c'est ça sent le sapin. Et c'est bien sûr une image, c'est pas que sentir le sapin de cette ambiance de Noël et de décembre, mais c'est une expression qui date de la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle les cercueils étaient principalement réalisés en sapin, et on les appelait, je cite, redingotes de sapin. Et par extension, bah, ça sent le sapin, c'est les ennuis qui arrivent. Et ça peut amener un sort funeste. Donc voilà, cette thématique va ramener aux morts à la fin. Voilà, la fin d'une chose. Là, en l'occurrence, en décembre, on est sur la fin de l'année. Et voilà, et en tout cas, comme Jean-Baptiste nous a préparé le petit topo, que les sapins dans toutes les maisons sont morts en cette période de Noël et sentent bon. Voilà. Aucun cynisme, bien sûr. Tout va bien pour nous, en tout cas, comme une oreille continue en cette fin de 2017, elle sera toujours là en 2018. Voilà, Jean-Baptiste qu'on salue, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui et qui a bien participé à cette playlist. Et vous saurez plus tard pourquoi ça sent le sapin. Mais voilà, vous avez déjà une idée de la thématique. On va continuer tout de suite avec Dr. Frankenstein et la chanson qui s'appelle « O cerebro do morto », le cerveau du mort. Et voilà, là, ça surfe. Ça surfe encore à la morgue. Donc, on a beau être mort, on peut continuer à danser. Et je vous en dirai plus après. Voilà, Dr. Frankenstein avec « O cerebro do morto ». Thank you. Voilà, avant de revenir sur la chanson qu'on vient d'écouter, je voulais faire un ajout pour Evil Mr. Sod, le folkman que vous avez entendu avant, avec la chanson Going Down. Il est originaire des Canaries et il est maintenant en Allemagne, à Leipzig. Et il dit « Je suis un démon et j'adore le rock'n'roll ». Et à l'instant, c'était... Moi, je suis fan de cette musique surf rockabilly. Ça me relance dans mes plus belles années. C'était Dr. Frankenstein avec O Cerebro do Morto. Ils sont du Portugal et ils développent un rockabilly surf Halloween. Rien que ça, c'est issu de leur album The Cursed Tapes. Vous les trouvez sur Free Music Archive. Et on nous dit que toutes les chansons de cet album ont été enregistrées sur leur EP, donc c'est-à-dire un court album, Nécrophage. Voilà, on reste dans l'ambiance de fin, de mort. C'est lancinant, mais vous allez voir, il y a des choses aussi plus festives dans la mort et sur cette thématique qui sent le sapin. Et Dr. Frankenstein est sur un label aussi qui est très intéressant, de Porto, dont on n'a plus beaucoup de nouvelles, qui s'appelle You Are Not Stealing Record. Voilà, c'était Dr. Frankenstein avec O Cerebro de Morto. On continue, hélas, on va arriver dans le vif du sujet. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'animaux aussi qui sont concernés par cette fin du sapin. Et donc il y en a une première qui s'appelle Les Poussins de la Mort, qu'on va entendre tout de suite, qui est interprétée par Manuel J. Grotesque, qu'on a déjà passé sur les ondes de Commune Oreille. Et après, on enchaînera avec Poitrinaire de tes morts, avec le groupe Missiasek. Attention, âme sensible, ne pas s'abstenir. Les poussins de la mort. Les poussins de la mort. Les poussins de la mort. De la mort. Bah, les poussins de la mort, ce sont des petits hard rockers qui sortent en cassant leurs œufs avec leur guitare et quand ils sortent, ils jouent les riffs de Satan. Ils jouent les riffs de Satan. Les riffs de Satan. Les riffs de Satan. Les poussins de la mort jouent les riffs de Satan. Toi la paysanne de tes morts, jalouse de tes os, je prie devant Dieu pour qui t'attrape un cancer des poumons, sale enfant de putain. Si t'as quelque chose à dire, dis-le-nous en face. C'est vous les sales paysans de vos morts, les mange-merde. Et ta grand-mère la crasseuse, ce qui était le coup par nos cousins. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Vous avez trash de nous, bande de sales paysans, racistes de mort. C'est vous qui nous donne envie de vomir. C'est qui je vois vos sales gueules. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Je jure sur ma pauvre grand-mère. Je prendrai, je jure devant lèvres avant de parler. Sale croque-mort de tes os. Tu prends tes morts, tu les déterres, puis tu les manges en petites cuillères. Tu prends tes morts, tu les déterres, puis tu les manges en petites cuillères. Paysanne de tes morts, cancéreuse des poumons. Paysanne de tes morts, cancéreuse des poumons. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Poitrinaire de tes morts, poitrinaire de tes morts. Voilà, c'était Manuel J. Grotesque avec Les Poussins de la Mort et à l'instant Missiasek avec Poitrinaire de tes morts. Voilà, c'est plus festif. Manuel J. Grotesque, on vous avait déjà passé une chanson avec Jean-Baptiste. C'est issu du label Los MS de Losso, expérimental pop, lofi bien barré. Vous les retrouvez sur Free Music Archive aussi. Et je pense qu'ils ont un Manuel J. Grotesque a aussi un site. Et ça a été sorti en 2012, je crois, parce que le graphisme de cet album-là, où il est issu de Les Poussins de les Morts, c'était 2012, l'année de la mort, 100% les deux cons. Et on voit un petit drapeau, je pense que c'était en référence aux élections de 2012 et aussi du monté du FN. Et là, à l'instant, une nouvelle découverte, Missiasek, Poitrinaire de tes morts, comme je vous ai dit, attention, âme sensible. Et ils sont aussi sur Free Music Archive avec cette chanson où on les a trouvés. Et Missiasek, on nous dit sur leur site, ils ont un site missiasek.net. Et dans leur bio, c'est Missiasek a retenu la nuit jusqu'à l'apparition de vestiges fantasy dans sa caisse à savon, une urne funéraire bourrée de confettis prête à tout faire péter. Il y a un long descriptif de leur bio, je vous laisse la découvrir si vous avez envie. Et en tout cas, Missiasek, en finale, nous dit qu'il constitue un groupuscule post-avant-garde avec un performeur et son ex-femme à barde. Il réclame des noms de fleurs pour sa publicité Missiasek et se sent comme une espèce de Julien Clerc mal démoulé. Voilà, il y a toute une série graphique aussi que vous pouvez découvrir sur leur site. Entre autres, une association sportive et culturelle des anciens punks à chiens de Cherbourg-Octeville. On est dans le funeste délirant, on va dire, et missiasek.net. Voilà, je vous l'épelle pas, c'est un peu compliqué, mais vous le trouverez facilement sur des moteurs de recherche. Voilà, on continue cette thématique qui sent toujours le sapin. On ne voit pas d'ennui arriver pour l'instant, mais en tout cas, le côté funeste est là, qu'il soit mené de manière mélancolique, nostalgique ou plus festif. Et là, on va continuer dans nos choses funestes animalière, avec un groupe très intéressant qu'on a découvert qui s'appelle Sirod Iceberg, avec la chanson Poney Mort. Je vous laisse écouter et après on ne pouvait pas s'empêcher de vous passer Marilyn Rambeau qu'on adore, un duo matrock comme on le dit, et avec la chanson Haleine à mourir. Donc tout de suite Sirod Iceberg suivi de Marilyn Rambeau. Thank you. Voilà, c'était dans l'ordre deux groupes. Un qui s'appelle Sirod Iceberg avec Poney Mort, qu'on a découverte lors de nos recherches autour des sapins. Et on les a trouvés sur Bandcamp, bandcamp.com, qui fait découvrir plein de groupes, beaucoup de musique en ligne. C'est pas spécifique aux musiques en libre droit, mais il y en a. Et la chanson s'appelait Poney Mort. Et Sirod Iceberg, il est de Paris. Voilà, une musique assez lancinante, qui est bien travaillée. Et c'est issu de son album All This for Youngster, des choses vieilles pour plus jeunes, en gros. Voilà, à écouter sur bandcamp.com. Et à l'instant, bah, Marilyn Rambaud, comme je vous disais, que franchement, on adore. Un duo avec un musicien, entre autres Aurélien, qui est dans plein d'autres projets, Chafouin, qu'on vous a déjà passé. Ils sont sur bandcamp.com, mais ils sont aussi sur un label indépendant. Cette chanson « Haleine à mourir » était issue de l'album « Qu'est-ce que tu fais pour les balances ?» sorti en 2015. Oui, voilà, leur label, c'est Épicerie Records. Et le site, donc, épicerierecords.wixsite.com. Et là, vous pouvez trouver tous leurs albums en ligne. Alors, bien sûr, ils sont là écoutables et téléchargeables gratuitement. Vous pouvez aussi les acheter parce que c'est pas parce que c'est des musiques sous licence libre. Pour rappel que les gens veulent pas vivre de leur musique ou avoir de l'argent. Donc là, c'est possible d'acheter aussi pour Marilyn Rambaud, par exemple, le disque, le vinyle, où on vous propose à partir d'un certain prix de les acheter. Et petit rappel sur les musiques en licence libre, qu'on appelle aussi Creative Commons en anglais, il y a un site qui est très bien fait pour avoir plus de données là-dessus, qui s'appelle creativecommons.org. Et là, on explique en tout cas toutes les licences sur musique sous licence libre, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que nous, on fait le topo un petit peu général et qu'on ne vous détaille pas tout le temps. Mais par exemple, pour Marilyn Rambaud, là, qui met sa musique en Creative Commons, sous licence libre, eh ben, pour son titre, on a le droit de la partager, de la copier, de la redistribuer, ce matériel, à des fins non commerciales, et que aussi on peut utiliser, remixer, transformer une partie de la chanson ou de la musique. Voilà. Et après, il y a différentes personnes qui même autorisent l'utilisation commerciale, c'est plus rare. Il y en a qui ne veulent pas qu'on réutilise, mais en tout cas, voilà, un exemple pour Marilyn Rambaud à l'instant. Voilà, on peut la diffuser, se l'attribuer à des fins non commerciales et l'utiliser pour des remixes et des transformations. Et voilà, toutes ces licences, vous pouvez les retrouver. Alors, le site est en anglais et les explications sur creativecommons.org. Et c'est le but de Commune Oreille, de faire découvrir des groupes qui ont choisi ces licences pour nous qui sont plus dans le collectif, dans le commun et qui sont hors des droits SACEM et des droits d'auteur classiques. Voilà, donc comme je vous ai dit, Marilyn Rambaud, et avant on avait cette belle découverte avec la chanson Poney Mort du groupe Sirod and the Iceberg. On continue cette thématique sur ça sent le sapin. Et là, on va faire un triptyque. Enfin, c'est moi qui ai décidé de faire un triptyque de certaines musiques qu'on a trouvées. Et vous allez entendre dans l'ordre le groupe Afraid, que j'ai déjà passé, je crois, un groupe d'Italiens, mais que j'adore tellement que je vous le repasse. La chanson s'appelle Billy Meets Me Dead Horse. Billy m'a fait rencontrer le cheval mort. C'est issu de la compile Tenia Solium numéro 1, j'y reviendrai. Et après, on écoutera Osso El Roto avec Discussion avec un mort et la Misma, Dispois des Mortes après la mort. Voilà, ça fait tout le triptyque. Et voilà, un groupe italien, un groupe français et un groupe portugais. Donc, dans l'ordre, Afraid, après Osso El Roto et la Misma, Dispois des Mortes. We'll be right back. Alors, vous avez eu dans l'ordre le groupe italien, comme je vous disais, Afraid, avec la chanson Billy Meets Me Dead Horse. Billy m'a fait rencontrer le cheval mort. Donc, c'est issu. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce groupe italien. Ils ont sorti en tout cas cette chanson et cet album en 2005. Et c'est issu de la compilation, comme je vous disais, Tenia Solium, qui est aussi pour moi une Bible. Il y a eu 4, je crois, compilations hors circuit marchand, fait par des gens autour de Grenoble et de la Drôme, avec les groupes qui mettaient à disposition, sous licence libre aussi, une de leurs chansons. Et ça a fait donc des compilations avec 16, 20 ou 30 groupes. Vous les trouvez encore sur Internet. Leur site n'existe plus, c'était teniasolium.net, je crois, ou est plus actif. Et teniasolium veut dire le partage, le potlatch. Donc cette compilation est invitée à faire circuler, donc sans argent, gratuitement, mais qu'on la garde pas aussi chez nous comme une propriété. Voilà, le potlatch qui était dans les... une des choses de base de la communauté dans des communautés amérindiennes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était Afraid avec Billy Meets Me Dead Host. Après, vous avez entendu Osso El Roto, spécial dédicace à Jean-Baptiste, bien sûr, qui nous l'a programmé. On vous l'a aussi programmé plusieurs fois. C'était la chanson qui s'appelle Discussion avec un mort. Et bah on l'a trouvé sur la chanson vient de Free Music Archive, mais il a aussi un site qui est très bien fait, ossoelroto.free.fr. Voilà, Osso El Roto, c'est David Loiza. Et voilà, Osso El Roto, ça veut dire l'ours fracturé ou cassé. Voilà, et la dernière chanson, c'était un groupe qui était aussi trouvé sur Free Music Archive et qui chante en portugais. Et qui s'appelle Despois des Mortes, voilà. Ça, c'était la chanson pour la misma, donc après la mort. Et c'est un groupe de punk hardcore, comme vous aurez pu l'entendre. Et ça fait partie de la scène hardcore punk du New Jersey aux États-Unis. Et elles ont la particularité, c'est toutes les femmes qui jouent. Elles sont 4, elles ont la particularité de chanter tout le temps en portugais, ce qui est rare dans le punk. Et voilà, ça sent le sapin et les sorts mortuaires sont aussi partis de femmes. Ouais, on se réjouit de cette découverte de la misma Despois des Mortes que vous trouvez donc sur Free Music Archive aussi. C'est sorti en 2014. Voilà pour notre côté un peu punk, triptyque avec Afraid, Osso El Roto et la misma. Et on va commencer par la marche des enfants morts. Et donc c'est une chanson qui est faite par le groupe Perche-Oreille, une marche macabre un peu ambiante. Là on va essayer de se reposer et le funère va être plus mélancolique. C'est un label Nîmois Pavillon 36, j'y reviendrai après. Et après on aura un petit intermède avec Morte Salis Song. Voilà, donc tout de suite la marche des enfants morts et Salis Song. Voilà, c'était à l'instant Brent Mortgage avec par Sean and Bat. Mais dans l'ordre, je reviens, vous avez pu entendre donc La Marche des Enfants Morts avec le Perche Oreille. Et donc ça, c'est de l'album Contes et Histoires Grésillantes. Et il est sur bandcamp.com et il est aussi sur Free Music Archive. Et c'est... voilà, c'est rempli d'émotions, ça peut être assez lourd, mais c'est un univers en tout cas créé de world music, on nous dit, avec un côté quand même un peu dark, un peu noir, voilà, entre des mélodies douces et des beats, des sons un peu complexes. Voilà, c'était le Perche-Oreille avec La Marche des Enfants. Vous avez eu un intermède avec le groupe qui s'appelle Morte avec Sally Song. Et ça, je l'ai trouvé sur sur Bandcamp et vraiment il fait des remixes vraiment très sympas. Alors là, c'était aussi bien festif. Et ça s'appelle Sally Song from the Nightmare Before Christmas, donc la chanson de Sally avant le cauchemar qui a lieu avant Noël. Voilà, il y a des petits cours, vous pouvez trouver sur son Bandcamp des remixes de Jingle Bells et d'autres chansons de Noël. Et l'album s'appelle A Peanut Butter and Jelly Christmas avec donc le morte avec un T fort. Et donc Masque à gaz, il y a un côté aussi assez funéraire qui nous continue dans cette thématique. Ça sent le sapin. Et donc à l'instant, comme je vous le disais, vous écoutiez Shonen Bat avec Brent Mortgage. Et donc là, la mort ou le côté funèbre est un peu plus éloigné. Mais il est aussi en licence libre, je l'ai trouvé sur Bandcamp. Et là, ça serait le côté funéraire des mortgages, c'est les entreprises immobilières. Donc ça pourrait être la fin d'une entreprise immobilière, ou en tout cas ce que peut nous apporter comme chose noire et dark, tout ce qui a lieu au niveau de ces entreprises immobilières et du logement, quoi. Ça pourrait être la fin du logement. Et donc Shonen Bat, c'est un groupe de Malaga en Espagne. Voilà, l'album s'appelle Shonen et vous le trouvez sur bandcamp.com avec la chanson L'esprit des entreprises immobilières. Et donc on se profile sur la fin de cette émission Ça sent le sapin de Commune Oreille du mois de décembre 2017, et on va encore vous proposer deux chansons. Une qui s'appelle, les deux s'appellent La Fin, donc une qui s'appelle Anes Bateau, c'est un groupe électropunk, on va dire, et on finira par GNG avec la chanson tout simplement intitulée La Fin. Voilà, donc je vous propose tout de suite d'écouter Agnès Bateau qui va nous faire danser encore un petit peu, et après on reviendra avec GNG et La Fin. Et juste que je voulais quand même, avant qu'on termine, pour revenir sur cette thématique que nous a trouvée Jean-Baptiste et qui est de saison, d'en sentir le sapin, comme on l'a dit, c'était une expression qui date de la fin du XVIIe siècle, en tout cas on l'a dit au début, et comme le sapin ne rappelle pas uniquement les fêtes de fin d'année ou les forêts toujours vertes, on dit aussi souvent que les jours étaient comptés si quelqu'un est en voie de mourir, qui commençait aussi à sentir le sapin. Voilà, c'est une chose qu'on n'avait encore pas amenée, en tout cas, et dire que les ennuis arrivent, comme on l'a déjà dit. Il y a sur un site qui répertorie les expressions, j'ai trouvé aussi comment on pouvait dire « ça sent le sapin » dans d'autres langues, parce qu'on a écouté des groupes italiens, portugais et scandinaves. Et donc, je vais vous en donner quelques-unes. Après, vous pouvez trouver tout. Mais par exemple, en italien, c'est « avere un piede nella fossa », avoir un pied dans la fosse. En anglais, c'est « to have a graveyard course », donc c'est avoir une toux de cimetière. C'est assez rigolo. Et en arabe de Tunisie, c'est, désolé pour l'accent, Sek Felkar au Sek El Bara, un pied dans la tombe et un pied dehors. Ah, voilà, comme quoi, si ce funéraire peut continuer à exister, je la trouve intéressante. En tout cas, je vous donne les traductions littérales. Et au Brésil, il y en a deux. Il y a Estar como un pe na cova, être avec le pied dans la tombe, et Estar mais para lado que para acá, être plus là-bas qu'ici. Voilà, après, on en trouve plein. Tous les pays ne sont pas répertoriés. Mais voilà pour quelques traductions de sentir le sapin en anglais, portugais, italien ou arabe. Donc, comme je vous disais, on termine cette émission avec tout d'abord Agnès Bateau, C'est la fin, et GNG. I'm gonna go get my phone. Chanson de Hannes et Bateau, c'est la fin que vous trouvez sur Free Music Archive en 2005, voilà, electropunk dans le genre. Et là, on va passer une dernière chanson, c'est GNG, qui s'intitule, comme je vous l'ai dit, tout simplement La Fin, pour Ça sent le sapin. Et c'est issu d'une compilation que nous a trouvé aussi Jean-Baptiste, c'est Lancinant, et c'est issu du site Rue des Gardes, qui a une initiative assez particulière. C'est une boutique de dépôt-vente parisienne qui a une base associée de non-profit pour tout et plein de choses, des disques, des fringues, matériaux de bricolage pour le DIY, do it yourself, fais le toi-même, plantes vertes aussi. Et ils ont sorti une compilation sous Creative Commons pour leur vente de Noël en décembre 2016. Et le morceau qu'on va écouter, La Fin de GNG, est un des titres phares. Et vous, en tout cas, retrouvez cette compilation sur Free Music Archive. C'est Rue des Gardes numéro 1. Il y a plein d'autres groupes liés au sapin ou pas, mais entre autres certains, comme Carton Sonore dans la forêt. Mais voilà, on termine cette thématique, Ça sent le sapin. Merci à Jean-Baptiste de nous avoir fourni toute cette matière sonore. Et voilà, c'était Comme une oreille, décembre 2017. On vous salue bien et à la prochaine. Vous avez écouté dans l'ordre Tame Hunter avec Mon chat est mort, Evil Mr. Sod avec We are all going down, Dr. Frankenstein avec O Cerebro do Morto, Manuel G. Grotesque avec Les Poussins de la Mort, Missy Hazek avec Poitrinaire de tes morts. Ensuite c'était Sirod Isberg avec Poney Mort, Marilyn Rambeau, Allen à mourir. Le groupe italien Afraid avec Billy Meets Me, Dead Horse, Osso El Roto, Discussion avec un mort. La Misma avec Dispois des Mortes, Morte avec Sally Song, La Marche des Enfants Morts par le Perche Oreille, Brain Mortgage de Shonen, et les deux dernières chansons étaient C'est la fin d'Agnès et Bateau, et là on finit avec GNG, La Fin. Émission Comme une oreille, Ça sent le sapin, décembre 2017. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiozinzine.org et communeoreille.blogspot.fr. À bientôt sur les ondes ou sur le web. Une émission de musique sous licence libre.